Haji Amadou Gueye, secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et sa suite, sont arrivés le 29 août à Pyongyang par avion.